47. Mademoiselle Bistouri. Comme j'arrivais à l'extrémité du faubourg, sous les éclairs du gaz, je sentis un bras qui se coulait doucement sous le mien, et j'entendis une voix qui me disait à l'oreille « Vous êtes médecin, monsieur. » Je regardai. C'était une grande fille, robuste, aux yeux très ouverts, légèrement fardée, les cheveux flottant au vent, avec les brides de son bonnet. « Non, je ne suis pas médecin. Laissez-moi passer. »« Oh, si vous êtes médecin, je le vois bien. » « Venez chez moi. Vous serez bien content de moi, allez. »« Sans doute. J'irai vous voir, mais plus tard. Après le médecin, que diable !»« Ah ah » fit-elle, toujours suspendue à mon bras et en éclatant de rire. « Vous êtes un médecin farceur. J'en ai connu plusieurs dans ce genre-là. Venez !» J'aime passionnément le mystère, parce que j'ai toujours l'espoir de le débrouiller. Je me laissais donc entraîner par cette compagne, ou plutôt par cette énigme inespérée. J'omets la description du taudis. On peut la trouver dans plusieurs vieux poètes français bien connus. Seulement, détail non aperçu par Régnier, deux ou trois portraits de docteurs célèbres étaient suspendus au mur. Comme je fus dorloté, grand feu, vin chaud, cigare, et en m'offrant ces bonnes choses, et en allumant elle-même un cigare, la bouffonne créature me disait « Faites comme chez vous, mon ami, mettez-vous à l'aise. Ça vous rappellera l'hôpital et le bon temps de la jeunesse. » Ah, ça! Où donc avez-vous gagné ces cheveux blancs? Vous n'étiez pas ainsi, il n'y a pas encore si longtemps, quand vous étiez interne de L, point de suspension. Je me souviens que c'était vous qui l'assistiez dans les opérations graves. En voilà un homme qui aime couper, tailler, rogner. C'était vous qui lui tendiez les instruments, les fils et les éponges. Et comme l'opération faite, il disait fièrement, en regardant sa montre, « 5 minutes, messieurs. Oh, moi, je vais partout. Je connais bien ces messieurs. » Quelques instants plus tard, me tutoyant, elle reprenait son antienne et me disait « Tu es médecin, n'est-ce pas, mon chat ?» Cet inintelligible refrain me fit sauter sur mes jambes. « Non !» criai-je furieux. « Chirurgien, alors ?»« Non, non, en moins que ce ne soit pour te couper la tête. S-S-S-2-S-M, c'est-à-dire sacré Saint-Ciboire de Sainte-Maquerelle. » « Attends, reprit-elle, tu vas voir. »